J'aurais dû m'en douter, j'aurais dû m'en aller au lieu de rester à t'écouter. J'aurais voulu crier pour voir juste pleurer, mais mes larmes n'ont pas coulé. J'aurais voulu te dire, mais dans ce cas, quoi dire? Je t'ai laissé faire et tu mise à terre. Mon cœur est à te retenir quand tu m'as dit que tu n'allais pas revenir. J'aurais voulu mieux faire, mais dans ce cas, quoi faire? Tout était dit, tu m'as laissé à terre. Ah.